que cabarro huevo. Alors, Sally, et merci de votre présence. Et maintenant, nous vous emmenons à la belle époque où certains parmi nous n'étaient pas encore nés.

Thank you, thank you.